Monsieur de Valmont avait l'occasion ainsi de me voir enfant dans le cabinet d'études de mon oncle. Il m'avait même donné en passant quelques leçons de complaisance pour l'étude grecque et du latin. La malignité, qui prétend tout expliquer, insinuait qu'il avait été jésuite, et sa prodigieuse instruction classique avait donné quelque vraisemblance à cette rumeur. Suivant ses ennemis, il s'était lassé de cet ordre. Il en était sorti pour aller en Hollande et de là en Prusse, où son scepticisme avait convenu au roi Frédéric II. Quoi qu'il en soit, un jour que je passais dans le sentier qui bordait le mur de la maison fermée, la porte du jardin se trouva par hasard entr'ouverte. Mon chien s'y précipita et effraya les chèvres. Le chien de la maison accourut de la galerie pour les défendre. Une grande rumeur s'ensuivit dans l'enclos ordinairement muet. J'entrai pour appeler mon chien, cause de ce désordre. Monsieur de Valmont, assis sous un noisetier contre le mur, se trouva en face de moi. Il me reconnut, me sourit, me salua, et m'invita à entrer avec une confiance très étrangère à son caractère, mais inspirée sans doute par la candeur de ma figure et de mon âge. Les deux sœurs, ses compagnes de solitude, qui s'occupaient des soins du ménage sur la galerie, se sauvèrent en emportant leur laitue mal épluchée, comme si un profane avait troublé le mystère. Elles fermèrent à grand bruit l'une des deux portes de la maison qui ouvrait sur le péristyle. Les chèvres effarouchées les suivirent. Je restais seul avec M. de Valmont.